nous ronge. L'égrégore donne corps à nos peurs. L'emprise transforme tout. Les Orlas se tiennent tapis près de nous. De pâquerettes qui broutent avidement celle-ci. Enfin, quelque chose à paître, quelque chose qui ne soit pas noyé sous ce déluge Spontanément, la Gaude et Dragon se sont rapprochés de votre bivouac de fortune. Vous avez formé un cercle indistinct, informel, et vous observez le nouveau venu, le dénommé Alphonse. Un gaillard vêtu d'oripeaux qui ont connu autrefois des jours meilleurs et qui ne sont pas issus de peaux de bêtes ou de tissages d'herbacées comme il est de coutume dans la plaine. Ce sont des tissus comme on en faisait autrefois, avec des imprimés passés, mais des imprimés, et il porte, à l'instar du reste de sa vêture, de bonnes bottes de cette matière du temps jadis. Elles ont dû être jaunes ou vertes autrefois, elles ont subi les intempéries, mais on leur devine encore une certaine tenue, quoique la tige soit à demi affaissée, que la surface soit craquelée à mains endroits. Le plastique est encore présent et protège les pieds du gaillard planté devant vous. Il est beaucoup plus grand que tu ne l'es, Samael. Tu n'es qu'un gamin. Et lui, c'est un vieux. Un vieux qui n'est pas tout voûté comme certains membres de la communauté que tu as connus dans les herbages. Voûté par le labeur, penché au sol, à retourner la terre, ou dressé, mais en perpétuel mouvement, dans un perpétuel geste de l'auguste semeur, distribuant vers un avenir attendu, les graines que l'on aura scrupuleusement choisies au temps où le temps était trop menaçant pour mettre le nez dehors et quitter l'abri des cocons. Là, devant toi, c'est un homme donc robuste, un rude gaillard, avec des bras épais, des doigts presque boudinés de graisse, chose que tu as rarement l'occasion de croiser, car on ne mange que des graines et peu de viande. Et on a rarement l'occasion de faire bombance et faire de la graisse, si ce n'est juste avant les périodes de restriction, là où le temps s'arrête et où on reste au-dedans des cocons, et où on peut tout à loisir se réchauffer autour du feu pour échapper à la froideur, à la rigueur du temps blanc. Le temps blanc n'a pas eu cours cette année, mais tu n'as pas pu faire bombance pour autant, et tu es maigre comme un clou. L'un de ces ustensiles qu'on trouve en fouillant dans les décombres des villes du temps jadis. Et tous tes compagnons d'infortune, y compris le grand Chouvdia, est lui aussi maigre comme ces clous qu'on trouve enchâssés dans les vieilles planches pourries, engoncées dans la boue. Sauf qu'il n'est pas engoncé dans la boue, il est juste couvert de boue parce que il a pataugé toute la matinée depuis presque aube dans cette plaine étrange au pied de Cachel, et que là il lui a fallu rattraper in extremis l'intrépide Hertz qui a manqué de tomber dans le gouffre, d'où a émergé le brave Alphonse. Brave parce que même s'il a pas que la chair sur les os, contrairement à vous, contrairement à Choudilla qui pousse grandement, c'est un presque homme, il est déjà très grand, mais aussi plutôt maigre, filiforme. Maintenant, ses cheveux en désordre lui donnent un semblant d'épaisseur, une chevelure abondante et embrouillée, pleine de ronces glanées sur le chemin, de feuilles séchées dans les cheveux, de brindilles. Mais il y a aussi les mêmes boucles que l'ami Hertz, qui lui donne une tête épaisse et rondouillarde, alors qu'il a un corps tout maigrelet. Dragon et la Gaude, eux aussi ont la maigreur des enfants qui se nourrissent que parfois et pas tout le temps. Mais faut pas rester là, hein. Les tueurs vont nous repérer. On aurait meilleure chance à repartir par la forêt d'au-dessous, hein, et pas rester là à découvert dans la plaine. Vous autres, vous avez gobé de l'oiseau. Les tueurs se montreront bien inquisiteurs. Et pour ceux qui n'ont pas gobé. Bah, toi, jeune homme, t'es avec eux. Tu subiras le même sort que tes compagnons. Ah, et plaisante pas avec les mangeurs d'oiseaux. Mais en soi, tu es avec nous. Bon, moi, je suis avec qui veut bien, moi. Ça me change. Je suis bien seul, là, tout seul dans cette désolation. Et puis, on est mieux à plusieurs yeux qu'un seul. Il en est vrai, il en est donc pas fait. Et plutôt au ciel qu'il suffise aussi de se frotter le ventre pour n'avoir plus faim. J'ai le ventre qui gargouille et je suppose que vous avez quelques denrées par-devers vous, que vous partagerez bien avec quelques pauvres hères comme moi. Eh bien, il y a sa vache qui a bien mangé maintenant. Ah, c'est bon de pouvoir boire son lait, hein, t'as pas crainte alors? Hein, arrête, arrête de râler, je vais chercher la gamelle, c'est bon, t'as gagné. Pressons les gamins, parce que les tueurs, ils auront tout fait d'être avertis par un groupe de freux ou de corneilles qui verront agiter la gamelle dans le soleil timide. Je crois que t'as à te presser, mon petit gars. Et il te donne une petite tape qui se veut amicale sur l'épaule, mais ce faisant, tu chancelles, il a de la force au bout des mains, c'est pas la force étrange qu'il y a dans les mains presque serres du petit Hertz, c'est la force bourrue des grands, des adultes. Je sors ma gamelle et je m'approche de Pâquerette. Elle roule des yeux inquiets en regardant le cercle que vous avez formé. Elle n'a pas l'air rassurée. Comment rassures-tu la brave Pâquerette? Je la caresse et je lui dis « Mais non, t'inquiète pas !»« Empresse-toi, gamin, là !» dit Alphonse en s'approchant de toi. Il y a juste son chapeau, son espèce de chapeau de tissu, de feutre tout usé sur la tête. Il se gratte la tête. T'as dit pour les tueurs, et ils verront ta gamelle de loin, hein. Ça se reflète dans le soleil, ça va attirer les corneilles ou les freux. Et ils vont appliquer sur le terrain. Et ça va. Pour résoudre ce choix cornélien. Pour résoudre ce choix cornélien, je propose que l'on fasse fi de notre faim pour éviter les corneilles. Bah, dans ce cas, allons-y, allons-o, mais je doute que votre Pâquerette, elle suive. C'est bien Pâquerette, ta vache. Exact. Samaël, c'en est à ta charge. Débrouille-toi pour la faire avancer. Ah. Je mange ma gamelle et... Moi, j'aurais bien pris un pot de lait quand même, hein, avant de descendre dans la forêt du dessous. Après l'effort, le réconfort, ce n'est pas l'inverse. Ah. Et puis, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quoi qu'ils en fichent, je triomphais. C'est bien un péril que d'avancer le ventre vide, hein. Avec gloire, je crois qu'ils s'en fichent. Ok, bah, on te laisse, hein, sinon. Ah, j'ai pas dit que je restais là, exposé aux quatre vents, et puis tu viens à contempler les freux, et les corneilles qui nous rebat les oreilles, le vanté Alphonse, là. D'ailleurs, Alphonse, vous le connaissez ni d'Ève ni d'Adam? Et comme ça, vous le suivez dans les tréfonds de la forêt du dessous. Qui c'est qui nous a fait manger les œufs? Bah, c'est moi qui vous ai proposé les œufs que j'avais gladés. Et vous étiez pas mécontent d'en boutifoler un peu. J'en ai pas mangé, rappelle-toi. Oui, mais toi, t'es toujours à part, toujours à te singulariser, là. Et c'est un mal. Eh, tu sais, on s'attire des ennuis à cause de toi. À cause de moi? Bah oui. T'as encore de l'œuf là? Hein? puis lui, là, il a de l'œuf plein le nez. Tu veux vraiment qu'on commande ton état? Moi, je suis en pleine forme, moi. Non, je parle de... Moi. Tu es barbouillé d'œuf. L'étalé te n'aidera pas. Moi, maintenant, il n'y a plus d'œuf. Il y avait un peu de terre, mais... Je te garantis, il n'y a plus d'œufs. Tu peux les souiller ici, il n'y a plus d'œufs. J'ai pas envie de les souiller. En attendant, ça pousse hein, sur ton nez. Le duvet que t'avais arraché à grand peine. Ouais, je réitère. À grand peine. Là, tu sens les chairs tirailler. Ça a pris racine plus profondément. Et c'est comme d'arracher comme les cheveux qui se prennent dans l'entrelac des branches, des basses branches, lorsque tu progresses dans la forêt. Une vive douleur qui te surprend alors même que tu souhaites ne pas faire de bruit. Ça t'est sans doute déjà arrivé, alors que... naviguait dans les ortillons. Oui. Quel souvenir cela éveille en toi? De la douleur du... Non, c'est l'inverse du confort. De l'inconfort? C'est ça, alors. Je ne sais pas si ça se disait inconfort, mais là-dessus. Une bête faible. Dis-moi, Smerdi, est-ce que tu as vu déjà dans la communauté d'autres gens ainsi se couvrir d'un duvet sur le nez? Non. Jamais je n'ai vu cela et cela m'étonne. Je me demande si ce n'est pas le comme ça qu'a commencé le triste sort de Pierre. Ça te rappelle la maladie qu'aurait connue Pierre? On n'a pas pu la voir, il est parti et puis on l'a pu retrouver, mais je me méfie, je pense qu'il y a de quoi alimenter cette... C'est peut-être la cause de cela, peut-être que lui aussi, ça me semble relativement probable. Et je m'en inquiète, parce que je n'aimerais pas me retrouver... aux mains des corneilles bleues dévorées et par les corneilles bleues et par un orla avec une plante purulente qui fait ses racines tout autour de ce nez et dévore à moitié le milieu qui l'entoure. Tu penses qu'une plante aurait pris racine en ton ami et qu'est-ce qui pourrait endiguer sa progression? Selon du lait. Du lait? Ce n'est pas bon pour les plantes. Donc il faudrait noyer les racines sous le lait, lui embadigeonner le nez. C'est ton idée? Oui. Pio! Rien ne marque la mémoire comme les fantômes de fer. Ici, là, dans les hangars, sous le fumier, dans les champs, gisent les vaches mortes. Ce que dit Alphonse, c'est... La gaude s'approche de toi alors que tu tiens à côté de Pâquerette et te dit... moins forte et assurée que Alphonse. La faim est l'arme de l'emprise. La nourriture est l'emprise. Ne pas manger. Contempler dans le miroir des flaques la maigreur de son corps, c'est une forme de victoire. Ne devrions pas aller dans la forêt du dessous, mes amis. Bon, les mômes, La forêt du... Je suis qu'un chercheur. Je suis monté par l'échelle. C'est à toi, le gars, m'empêcher de tomber, mais... J'aurais chu bien bas dans le gouffre et dans la flotte. Mais j'ai un palan pour monter les objets que j'exhume des entrailles de la terre. C'est pratique. Tu as besoin d'assistance. Donc, je peux aller dans l'écureuil en amont. Tu places ta pâquerette et avec ce gaillard, on devrait pouvoir la descendre sans trop de malheur. Est-ce que ça te convient? T'es d'accord? Je me colle la pâquerette un peu perdue. Hein? Qu'est-ce qui tu crains dans cette il t'a parlé d'écureuil, tu vois ce que c'est? Non. Il me semble que c'est les grandes roues qui permettent de tourner, de descendre ou non un palan dans les constructions majoritairement médiévales, on utilise un écureuil. Voilà, c'est ça. Alors oui, c'est du pur méta, mais c'est... Attends, je dois pouvoir te faire un croquis non, rapidement. C'est bon. Je pense que t'as compris, Xavier. Attends. Ok, je vais faire un croquis. Donc, j'utilise celle-là, pas celle-là. Donc, en gros, t'as... c'est une sorte de cage pour écureuil. C'est très mal fait, parce que je te fais ça à la va-vite. Tiens, regarde. Gabriel t'a recherché... Donc, il y a un homme qui s'introduit dans la cage, comme ça, et qui fait tourner la roue. Ce qui permet d'actionner la poulie et avec le contrepoids de soulever la cage. Ok. Je réponds à... Je lui demande où est-ce qu'il peut bien ranger ça. Bah, c'est juste en bas là. Comment je ferais pour sortir les gros objets que j'exhume de la forêt du dessous? Hein? Je suis qu'un modeste chercheur, mais je trouve quand même des choses. Ça m'arrive. Et... Pas tous les jours, je te rassure. Mais il a bien fallu y penser quand il s'agit de monter des choses bien lourdes. Hein? Ce qui cite, il y a des choses précieuses à glaner dans la boue. Que les gens de Cachel sont bien heureux de me trouver dans mes pognes. Et comme ça, ça améliore mon ordinaire. Je peux manger... Je mange pas des œufs comme vous. Je m'y risquerai pas, parce que les tueurs auraient tôt fait de m'aussir, mais... Mais j'ai l'occasion d'échanger avec eux et d'améliorer l'ordinaire. Des petites galettes à manger tous les jours. Comme celle qui est dans ma besace, tiens. Veux goûter leur galette au miel? Et tant une galette. Là, je dis, vous êtes... Épaisse. Vous bien? Ah bah bien sûr, je t'offre de la galette. Merci beaucoup. Si et ça dessine un sourire sur cette petite mine là, hein? Toute triste. Allez, faut quitter la tristouinesse là. Hein? Tristouinesse. Je dis merci beaucoup et je mange en sourire. Bon, tu rassures ton animal là et puis on va le descendre dans la forêt du dessous. Tu t'en viens le choupia là? Oui, j'arrive et... Donc vous descendez sur l'échelle rafistolée de bois, de métal et d'un tas d'objets divers assemblés, ligaturés artisanalement par le ci-devant Alphonse. Ça descend dans la pénombre du gouffre qui est boisé et qui se confond avec le reste d'une poche de plaine baignée par les eaux, d'où émergent des arbrisseaux. Vous avez un espèce de promontoire et au-delà, c'est de l'eau, mais... Adossé au promontoire, il y a les renforts du... Excuse-moi, c'est ça. Ça va, c'est à peu près fidèle. Ok, c'est là, t'as une ou deux personnes qui marchent dans la roue pour entraîner ou descendre le truc. On va pas juste lâcher parce que sinon ta vache, elle fait... Et t'as un steak à la fin. Bref, écoute papa. Désolé. Donc il y a une espèce de plateforme en bois qui a posé au bout du promontoire dans les basses branches de l'Aulne. Qui plonge ses racines dans les débordements de serpentines. Et donc un amas de cordes qui remonte dans les hautes branches et qui aboutit à une cage d'écureuil dans laquelle vous vous introduisez. T'as à peine la place pour te coller à Alphonse. Ah, ils sont pas la rose, hein. Il y a une odeur d'urine, de sudation très forte, mais ça c'est quelque chose que tu as eu l'occasion de partager dans l'abri des ortillons. Mais il y a une autre odeur, une odeur que tu as du mal à identifier. C'est tu l'as entendu dans la bouche de Hertz quand il parlait des vieux. C'est l'odeur de vieux biscuits. Et Hertz il dit ouais, il y a que les vieux biscuits tout pourris qui sentent comme ça, en parlant des plus âgés. Une odeur qui est attachée effectivement aux vieilles personnes. Dont les chairs ont subi les affres de l'emprise des années durant. Vous calez vos bras, vos jambes, de façon à pouvoir faire jouer le palan, et vous avez remonté le palan en hauteur jusqu'au bord du gouffre où ta vache se tient peu rassuré. Tu lui susurres quelques petits mots doux à l'oreille pour qu'elle s'aventure sur le palan. Vous sentez tout de suite son poids. Tu as confiance dans le bricolage et la cage d'écureuil d'Alphonse. Elle a l'air solide. Enfin, après un premier examen, je regarde si elle a l'air solide plutôt. Oui, ça a l'air d'être, même si c'est fait avec des objets rafistolés, pris de droite et de gauche, l'axe sur lequel repose la cage est un grand tube métallique, presque exandrouille, curieusement, qui brille dans les faibles lueurs de soleil qui pénètrent dans la canopée. Il y a des plaques métalliques qui ont servi d'ailerons ou de marches dans le palan et qui te rassurent sur la solidité de l'ensemble. Des renforts métalliques ont été placés à tous les angles et l'ensemble est quasi exempt de rouille, ce qui pour toi à première vue est dans le pays de la rouille est plutôt rassurant. Avant que Pâquerette s'installe dans la cage à l'écureuil. C'est pas elle qui est dans la cage à l'écureuil, elle est sur le plateau. Là, t'as. C'est bien. J'allais dire Horace. C'est Horace, hein, son nom, non? Non. Alphonse, désolé. Je trouve que les deux prénoms se ressemblent pas, vous s'en fichez. T'as Alphonse et moi là-dedans. Nous, on entraîne la cage, donc en fait, comme le filet, enfin. Ce serait plutôt. C'est une corde. Oui, mais c'est la corde qui est accrochée au centre de la cage. Nous, on va tourner la cage progressivement pour descendre la corde petit à petit. Ensuite, là, elle va être entraînée par cette petite poulie. Il y a bien une micro-poulie ou équivalent qui est accrochée aux quatre coins du palan. Palan, c'est le plateau. C'est un plateau en bois, souvent. Et là-dessus, t'as ta vache. Donc, elle descend dans le vide. Elle contrôle rien. Si elle panique pas, le palan est stable. Et nous, il faut juste pas que la corde se rompe ou qu'on aille trop vite ou pas assez. Avant qu'elle s'installe sur. Donc actuellement, le palan, il n'est pas là. Là, moi, je t'ai montré comment ça fonctionnerait. Là, tu vois, c'est un trou parce que ça sert souvent à descendre ou à remonter les trucs. Donc. Donc là, le palan, il est. Là, actuellement, il est au niveau du sol. Voilà. Et il va descendre dans donc là il faut que tu rassures ta vache. Remarque, il pourrait, enfin il faut que tu rassures Marguerite, il pourrait peut-être pas monter avec Pâquerette. Il doit monter avec. Donc avec, tu seras sur le palan avec Pâquerette et tu dois la rassurer. Elle doit pas s'énerver. Bah j'imagine que tout ça Choubdia peut le raconter. Tout à fait. Oui. Donc Choubdia t'explique ça pas avec un croquis parce qu'on n'a pas de papier ni de crayon, mais en te montrant les renforts métalliques pour voilà. Dire que c'est solide. Je te montre concrètement. Te montre combien il est musqué. Ouais, musqué, ouais. c'est Hertz qui dit oh ben regardez, lui il est super musqué, hein. Il est très fort, hein. Rassure-toi, il va pas faire tomber ta vase dans le trou, hein. Ça va être bien un écureuil. Cage à écureuil. Ouais, voilà, j'avais un doute. C'était cage à écureuil ou écureuil. Mais lui a dit écureuil. Ça m'a fait vraiment mal. Elle fonce. Ça fait vraiment mal. Alors, tu es d'accord pour guider ta vache et comment la rassures-tu? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je la caresse et je me colle à elle. Qu'est-ce que vous faisiez pour rassembler les animaux dans la communauté? On appelait le chien. Les chiens, c'est ça les effraie plutôt. Comment on appelle les animaux? Ben, on chante. En chantant bien fort, les animaux sont rassurés. Ils savent que c'est leur vacher qui est là. Il y a des chants et ça te rappelle ta communauté. Là, quand il y avait des gens autour de vous dans les pâtures. Chanter, t'es obligé de te souvenir de la voix de ceux qui chantaient le mieux, de celles qui chantaient le mieux, et tu ne sais plus si c'était ta maman qui chantait ou si c'était une autre femme de la communauté. Était-ce ta maman? En tout cas, elle avait une voix magnifique. Peut-être que quand tu as dit les chiens, bon. Peut-être que c'est parce que toi, Samaël, le chien de Dieu. J'ai un doute, mais c'était à toi de chanter. J'ai les fixes. Est-ce cela? Mais peut-être, Samaël, toi, le chien de Dieu, si tu as évoqué les chiens, c'est parce que c'était à toi de chanter ces derniers temps. De chanter, d'inviter les vaches à garder leur calme durant les intempéries qui t'ont rendu la vie impossible depuis combien de temps déjà? Depuis des jours? Des heures? Non. Des semaines? Des mois? Voire plus. Est-ce cela, chien de Dieu? Oui. Et les vaches t'ont-elles écouté? Des fois, pas tout le temps. Il fallait du temps. Parce que tu leur faisais peur, comme les vrais chiens? Non, car ils prenaient du temps à reconnaître. Ils n'étaient pas complètement habitués. Mais pourtant, c'est pas toi qu'on surnommait là-bas le vacher. Vous étiez nombreux à vous occuper des vaches, ou pas? Et tu le seul enfant à t'occuper de ta vache, de Pâquerette? Non. Elle n'était pas seule, vous aviez un grand troupeau. Et la maladie en a emporté une partie. Si ça se trouve, Pâquerette l'est aussi. Pâquerette aussi a trop subi les intempéries. Peut-être qu'elle ne supporte plus le chien. Si est-ce que ta vache ne serait pas inquiétée par toi, le chien? Est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce pour quelque chose d'autre encore? Je ne pourrais pas le dire. Tu es si sûr de ça? Tu es sûr que tu ne sais pas? Oui. Ou tu te convaincs à toi-même que tu ne sais pas? Je ne le sais pas. Cherche des réponses. Il ne suffit pas de dire je ne sais pas. Lorsque vous entendez chanter, vous bandez vos muscles et actionnez la cage d'écureuil pour descendre graduellement la brave pâquerette. Bientôt au même niveau que le jeune vacher et son ami hirsute. La gaude est descendue en dernier. Alors, soit j'ai mal suivi, soit... Ils descendent en même temps dans cette échelle qui est sur le côté, c'est ça? Ouais. Ok, j'avais un doute sur l'échelle, je crois que c'était une autre échelle. C'est l'échelle que, sur laquelle vous aviez vu émerger Alphonse. Ah oui, près du nid. Il utilise quand il n'a pas de charge lourde à porter. Il y a beaucoup de profondeur, juste par curiosité. Voilà. Là, vous avez... fait franchir un dénivelé d'une dizaine de mètres à la vache, ce qui est relativement impressionnant. Et l'échelle elle-même n'est pas une mince affaire, il faut être attentif au moindre de ses gestes. Donc c'est une échelle comme ça en métal, j'imagine. Voilà. Enfin, je sais pas, hein, je pose la question, hein, c'est pas une échelle. Pas... Non, en bois, il y a plein de pièces de récupération. Ouais. D'accord, c'est de l'échelle de récup. Et justement, c'est modérément rassurant que de l'utiliser, de naviguer, de s'appuyer sur celle-ci. Elle oscille à vos yeux dangereusement sous vos poids respectifs. Parfois, elle penche parce que le poids est... est proprement insuffisant et que ça déséquilibre l'échelle, notamment lorsque Hertz s'aventure, c'est le premier à s'aventurer, l'échelle manque de se détacher du sommet. Il vous faut la rattraper et l'assurer, ce dont tu te charges, Smerdi. Et à ce moment-là, Smerdi, quand tu vois l'échelle qui menace de basculer hors de vue dans les broussailles du gouffre, est-ce que ça éveille quelque chose en toi? La disparition de Pierre dans la forêt? Quelque chose d'autre? Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci? C'est la première fois que je vois tout cela et... Jamais tu ne t'es aventuré dans les profondeurs de ténèbres d'une forêt engloutie. Non. Nous, les anciens naufrageurs, on ne marchait qu'en haut. Ne jamais descendre, telle était notre croyance. Vous demeuriez horizontaux. Malgré notre défiance envers les vrais horizontaux, nous étions comme... de ceux qui ne changent de forêt. Ce qui placerait dès lors Alphonse dans la catégorie des verticaux à tes yeux. D'ailleurs, il n'y a aucune haine ni défiance envers les verticaux. Et, du peu que j'ai vu de mes frères naufrageurs, je n'en porte pas une grande estime. Alors, si ça se trouve, les verticaux ne sont pas nos ennemis, voire peut-être des frères. Puis, son ouvrage me paraît rassurant. Il se comporte bien plus généreusement que la plupart des naufrageurs et je lui fais tout entière confiance. Je pense que pour naviguer entre ces deux forêts tout à fait différentes, cette canopée et cette terre de mort, il doit avoir du courage et de l'énergie à revendre et que cela en ferait un bon camarade pour notre équipée. Choubia, partages-tu l'absence de crainte ou de méfiance à l'égard de ce vertical putatif qu'Alphonse ? Bah, il nous propose gentiment de déplacer la vache et ne nous dit pas de nous débrouiller comme des grands, donc à ce niveau-là, je ne suis pas ultra méfiant. Mais bon, selon jamais, je reste un minimum sur mes gardes. Parce que surtout parce qu'on va dans un endroit qu'on connaît pas par rapport à Alphonse. Lui, il a l'air sympathique et tu as sans vu a priori. Que lorsque Pâquerette a pesé sur le palan, vous avez senti certes le poids plume de Samael, mais il a fallu recourir à toute la force de tes muscles et vous avez dû vous aider de cales qu'il avait à portée de la main pour assurer les étapes. Et il a sué à grand dos pour descendre tout doucement l'animal voilà. Sans l'effrayer, mais il n'a pas ménagé sa peine. Il était vraiment à fond. Oui, il était tout entier absorbé par sa tâche et le faisait avec sérieux, observant à la dérobée dès qu'il pouvait le comportement du palan. Afin de ne pas descendre trop abruptement son poids. Vous retrouvez donc tous à pied d'œuvre au bas du gouffre. Ici, la lumière a pris des atours de ténèbres. Le chemin est étroit et s'enfonce graduellement, gorgé de feuilles qui sont tombées à l'automne précédent, mais qui n'ont pas totalement pourri, qui ne se sont pas totalement délitées et qui craquent, bruissent sous vos pas, notamment sous le pas pesant de Alphonse. Cela sent fort l'humus, la terre, une terre vivante, mais en même temps il y a une odeur ténue dans le fond de l'air de charogne, de chair en décomposition ou de plantes. Il y a partout sur les broussailles qui pousse drûment alentour sur la paroi du gouffre de ces petites fleurs que vous aviez cru blanches à la lumière pleine du soleil et qui, dans la lumière chiche du gouffre, vous apparaissent comme blanches, voire légèrement violacées. Elles poussent par grappes drûment autour de pieds de guêdre, de la même guêdre que tu as entretenu depuis ton départ de la communauté. Elle pousse au sol, là où les tas de feuilles et de boue amassées sont les plus épais. On aurait, on pourrait croire que ici la végétation serait beaucoup plus chiche. Elle n'a que peu de lumière ou de matière dont elle puisse se nourrir, et pourtant il y a des fleurs, des feuilles qui viennent des arbres du haut, et vous contemplez l'arbre dans lequel vous avez déniché plutôt les œufs bleus que vous avez gobés. Et sur cet arbre est perché un corbeau qui vous contemple sans bruit, fixement orienté vers vous et le creux du gouffre. Il faut se dépêcher. Tu as raison. Dragon. C'est dragon. Logique. Tant son visage vers vous, il est descendu. J'ai dit que la goutte fermait la marche, mais en fait, vous n'aviez pas pris prêté attention. Dragon était resté sur la hauteur plus longtemps que les autres, et il s'approche, pose la main comme à l'accoutumée sur l'épaule de la gaude. Elle ferait l'épaule de la gaude et... La gaude dit pour lui, de sa voix étrange qu'elle prend lorsqu'elle parle pour Dragon. Je pense qu'on devrait pas enterrer les morts. La terre les dévore ou les vomit. On ne devrait pas faire de petites mésbasses non plus. Ça les fait revenir. Wow, gamin, faut pas s'attarder à ça. Moi, j'y vis tout le temps ici. Suffit d'être prudent. Tenez. Il ouvre sa besace et en sort... des chiffons blancs lestés d'un écrou métallique. Il en tire trois, on donne trois à chacun. Quand sera votre tour d'être devant, vous lancez. Pas plus de trois pas devant vous. Vous attendez. Vous surveillez que le panache blanc retombe bien. Si le panache retombe platement au sol, c'est qu'ici, il n'y a rien. S'il y a quoi que ce soit, halte là. Et on parle pas. On chuchote. Je dirais que... On murmure. Entendu, les chiots? J'ai déjà croisé des corbeaux de la sorte. Je n'y sais pas. Je pense qu'il faut... Petit truc méta, même si on est censé chuchoter, parle un chouïa plus fort pour qu'on t'entende. Parce que là, on t'entend pas. Et je doute qu'on entende au micro, ou alors, dans ce cas-là, ils vont devoir pousser le son à fond. Genre, parle comme je parle, c'est pas... Je pense... Et j'ai déjà vu ce type de corbeau, il nous faudrait presser le pas. Je pense que... c'est quelconque Orla qui nous observe de par ses... sbires. Plus qu'un séide des Orla, moi je vois là quelques créatures de Cachel qui surveillent les avant-postes pour le compte des tueurs. Si nous réapparaissons bien plus loin, nous ne craignons rien. Qui ouvrira la marche? Peut-être toi, ce sera plus adapté vu que tu connais la zone. Je peux la fermer, histoire de vérifier qu'il n'y a rien en arrière. Comme ça, on escorte. Tu fermes la marche ? Enfin, sauf si... Non. Sauf si tu préfères qu'on inverse les positions. Non. Je ne marcherai pas devant. L'un de vous va devant. Vous êtes plus léger. Je peux aller. Le plus léger devra aller devant. C'est bon, le petit rouquin là. Toi, tu vas devant. Je me place derrière, histoire d'être. En revanche, je crois. Viennent ensuite Pâquerette et. Non, je propose qu'ils restent vers l'arrière, ils sont plus lourds, surtout Pâquerette. Et ça m'aide de rester auprès de Pâquerette. Donc ensuite viennent Dragon et Lagode alors. Mathieu, Samael est là et Pâquerette et notre guide qui remontera en cas de problème. D'accord. Le fait que tu ordonnes que tu fixes l'ordre de marche n'a pas l'air de gêner Alphonse qui a au fond de l'œil un sourire, un rire qui plisse le coin de ses paupières. Oh, ça me rappelle mes premières équipées dans la boue. Lorsque j'avais commencé mon métier de chercheux. Et c'était vous qui faisiez comme moi ou... Ah, ma foi, j'étais en avant. J'avais un maître à l'époque. Bien. Il m'a enseigné tout ce que je sais maintenant. Allez, allons-y. Allons-y dès maintenant, avant que les tueurs ne rappliquent. Je disais cela simplement parce que vous êtes un peu plus lourd que nous et que vous êtes... Oh, je l'ai pas pris en mauvaise part. Mes craintes. Ouais, mon gars. Et il donne une tape sur l'épaule. Moi, je me mets à marcher derrière les autres. Je me mets à la place qu'on m'a dit. Xavier ? Oui ? Et en fait, c'est un goupil que tu vois apparaître. Un goupil qui a les poils gris. Un goupil bien âgé qui dit « Samael ». Et il a entre ses. Il a sur sa tête une fidèle chapka. Et il te dit Samael, Samael. Je me retourne, je le regarde. Dis-moi, est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu fais confiance à l'homme qui se tient derrière toi et ta vache? Est-ce que tu penses pas que, en profitant de la toute dernière position qui l'arbore, il ne va pas, je ne sais pas, te dérober Pâquerette? Non. Tais-toi, Goupil. Et tu vois le Goupil disparaître en fumée. Seule la chapka est par terre. Ramasses-tu la chapka, Samael? Oui. Tu te penches pour ramasser la chapka qui se trouve au sol, que tu n'avais pas vu, tu n'avais pas distingué dans la pénombre qui s'amasse graduellement au fond de la combe à mesure que grandit la brume dans la profondeur. Et tu discernes sur le sol, dans l'argile, là où le pas de tes prédécesseurs a délogé les feuilles, juste auprès de la chapka, alors que tu la soulèves, tu distingues une myriade de billes bleues sur le sol. De belles billes bleues. Certaines sont des coquilles. Des coquilles qui ont depuis longtemps été rongées par les eaux, la brume, la bruine, la pluie, la putréfaction, et d'autres demi-évidées qui contiennent encore de la boue et certaines encore leurs fruits que tu discernes à l'intérieur. je montre aux autres. Tu te saisis de l'une de ces coquilles. Tu saisis la coquille. Et tu es pris d'un léger vertige. Tu perds l'équilibre. Vous êtes. Tu clignes des yeux, tu reprends ton équilibre. Tu es comme pris d'une longueur, cette longueur qui habite le corps lorsqu'on prépare un long voyage et qu'on émerge du sommeil. On a ses membres tout engourdis. Il fait froid aux doigts, il fait froid aux oreilles, il fait froid au nez. Et tu sens toute la chaleur qui irradie de ce fruit rouge et tentateur qui semble pulser d'une vie propre. Et tu te souviens parce que là ce n'est plus l'instant présent, tu sais que tu es ailleurs, tu es autour d'un campement, de l'un de ces bivouacs improvisés, lorsque dans la prairie tu étais au milieu des dômes condamnés à attendre la nuit, toute la nuit, avant de regagner l'abri de la communauté. Ces moments singuliers où tu étais aux abords des dômes sans en être tout proche, les dômes qui dominaient la prairie où paissaient vos troupeaux. Ces dômes amas de pierres et de boue où vous vous réfugiez nuitamment autour du bivouac, vous vous réchauffiez autour d'un feu de bouse, la bouse séchée l'hiver précédent, la bouse patiemment récoltée au cul des vaches, qui donne cette odeur douce et tu trouves cette odeur tout autour de toi, cette odeur rassurante, celle du troupeau. Et là, tu te souviens qu'autrefois tu étais avec celui qu'on appelait la magicienne, parce que c'était lui qui savait comment faire veiller les vaches, leur permettre que leur veau vienne dans le bon sens, tourner le veau pour que les sabots ne raclent pas, la vache ne la fasse pas souffrir. La magicienne, c'est un adulte, tu le craignais un peu parce que il était colérique. Il sentait parfois l'odeur du lait fermenté, du lait que boivent les grands pour se raconter des histoires au coin du feu, là où toi t'avais peur, mais tu restais pour te réchauffer. Il y a tout ça qui se mélange dans ta tête. Alors, je préviens les autres que... Tu sais que si tu manges l'une de ces baies, c'est les mêmes baies que croquaient les grands, que croquait la magicienne. Et il disait, toi t'es trop petit pour l'instant. Pas une affaire de petit comme toi. Quand tu seras plus grand, quand tu auras fait veiller ta première vache, tu pourras en croquer. Et toi, tu as fait veiller ta première vache. Parce que Pâquerette, tu l'as connue tout petit, en tant que veau. Et avec la magicienne, c'est toi qui l'as mis au monde. C'est pour ça que Pâquerette, c'est ta vache. C'est pour ça que tu as pu quitter la communautaire avec elle. Croques-tu la noix ? D'abord, je préviens les autres qu'il y a un village pas loin. Mais ça, c'est dans ton souvenir qu'était le village. Qu'as-tu vu, que voyais-tu dans ce bivouac, Samael? Était-ce là que tu te sentais protégé de l'avanie des Orla, même si tu étais loin de la communauté? Tu étais sous la garde de quel être étrange et singulier? La magicienne. La magicienne de ton clan, oui, mais n'y avait-il pas au creux des dômes ou aux abords des dômes, n'aviez-vous pas ménagé l'un de vos dômes dans la tête d'un géant endormi? Ou où les doigts du géant étaient recouverts maintenant d'herbes, et les herbes étaient ses poils et ses sourcils, et c'est dans sa tête, à l'abri de sa tête, que vous vous étiez protégé des Orla. Vous aviez ménagé nombre de croix sur son corps avili par les ans pour vous protéger des maléfices et autres prodiges étranges venus des bois. Vous étiez donc à l'abri dans ce bivouac. Et les anciens échangeaient et croquaient les noix, croquaient la noix pour se souvenir. Se souvenir du temps jadis, des temps anciens où vous pouviez encore avoir prise sur ce qui vous entoure. Que voulais-tu dire à tes amis? Que je me rappelle d'un souvenir et que de souvenir il y avait un village pas loin. Et qu'y a-t-il dans ce village? Il y a des... Bah, il n'y a pas de village alentour, dit Alphonse. Ici, nous sommes à l'orée de la forêt d'en dessous. Aucun village n'est établi. Il y a des villages dans la plaine, au-dessus. Mais il nous faudra ressortir par un autre gouffre. Mais dans tous les gouffres, vous avez fait écureuil? Non, je n'en ai qu'un ici. Mais je connais une sortie qui sera praticable par pâquerette. Aussi, ce qui serait possible, c'est qu'en fait, on aurait fait nos maisons dans un géant. Et qu'il aurait pu se réveiller et partir. Au loin, il serait un autre part. Et donc, si nous allons dormir dans le géant, petit, on se réveillera loin des tueurs, c'est ce que tu veux dire? Nous avons fait des croix pour éviter de nous attirer des Orla et des monstres. Donc il faudrait suivre les croix, à t'en croire? C'est cela, mon petit? Je suis juste mon peuple. Vous êtes avis de suivre les croix, les autres? Les autres? Oui, pourquoi pas. Et ce que j'ai vu aussi, c'est on a rien à perdre. J'ai vu aussi un goupil. Vous savez pourquoi? Une sorte de goupil, mais il avait la chapka que j'ai mis. Si tu me dis. Tu délires complètement. Alors tu as noté dans ton inventaire que tu as une chapka. Merci. Oui. C'était fait exprès. Tu me dis, oh merci, hein, dans une autre vie. Devant vous, le gouffre se sépare en une partie où l'eau ruisselle vers le dehors et la plaine, et une autre où l'eau s'enfonce dans les méandres de pierre. Une partie est un amas de boue et de roches agglomérées sur votre droite, tandis qu'à gauche, la paroi est faite de parties maçonnées dont le crépi est depuis longtemps parti et a été gangréné par des lichens qui se répandent comme, comme une sève qui sointerait d'un arbre et qui sointe là au travers des joints distincts, des joints rompus entre les pierres et les amas de roches qui forment le mur de votre, sur votre droite. Vous enfoncez dans la pénombre et qu'avez-vous pour dissiper la ténèbre ? J'ai ma lampe. À titre individuel, j'ai rien. Ta lampe ? Que tu donnes Hertz. À Hertz ? Oui. Que tu confies à Hertz ? C'est lui qui est devant. Hertz s'en empare, fait jouer l'interrupteur. C'est super ça! Ça dissipe le noir! Moi j'ai peur du noir et là j'aurais pas peur grâce à toi! Parfois t'es bien ce merdi! Parfois tu gagnes à être connu comme gars! T'es mon copain maintenant! Hein mon poteau? Allez, 5 minutes ne serait plus, mais bon, mettons. Avançons. Et il jette loin devant l'écrou qui ricoche, rebondit, bien au-delà des 3 mètres requis par Alphonse, et bien au-delà du faisceau de la lampe qui éclaire difficilement la pénombre. Alphonse dit, mais vous avez là... l'éclairage du temps jadis, et il mâchouille quelque chose. Moi, je croque ma noix et je vois dans le noir. Je vous invite à faire pareil, c'est plus efficace que votre loupiote. Je fais donc le même. Après, vous verrez d'autres choses hein, que le noir. Qui est nous ? Mais rassurez-vous, c'est de la drogue. Tout ça, ça se contrôle, hein? Ça se domine. Si vous le dites, j'en prends quand même. La peur, quand elle passe au-dedans de moi, je la saisis, je m'en empare. Et vous l'étranglez? Elle devient moi, et lorsqu'elle passe au travers, au-dedans de moi, elle n'est plus. Je suis la peur, je la domine. Faites-en ton. Vous avez plein de... Il écrase les billes bleues que tu as vues sur le sol. On ramasse une. Tiens, petit. Et là, je lui montre celle que j'avais pris. Je lui dis, j'en ai déjà pris une sur la route. Ah bah. Tiens, la fillette. J'ai bien compris que tu voulais pas manger, mais c'est pas vraiment manger, ça. Point d'emprise, là-dedans. Nagot dit. Non, je regarderai au travers de l'œil de notre ami. Je suis habitué à utiliser les sens des autres. Le dragon, lui, s'empare de la noix et la croque, tu en prends une aussi ? Non. Tu ne manges pas de noix, Smerdi ? Chaudia ? J'ai dit que j'en prenais une. Ça a un goût légèrement amer. Elles sont sèches, bien qu'elles proviennent... J'en ai déjà mangé. Je sais quel goût ça. Oui, oui. Mais croque. Je sais quel goût ça. Oui, mais croque là. C'est histoire d'être embrouillé en immersion. Ah non, moi j'en ai pris une. T'en prends une ? Non, mais j'en ai pris une. Donc non, t'en as pris mon une. Personnage, non. Ah si, j'ai la c'était parcours. C'était. À la tentation. Mais non, mais c'était avant la partie que je l'ai mangée, celle qui était là. Donc. Ouais, ouais. Donc je l'ai pas mangée. Il y a une noisette là. Bah tu vois, j'ai pas mangé. Et dans 2 secondes, tu vas la manger. C'est quoi, c'est pour me tenter, c'est ça, c'est... Il en a mis. Tu dois la manger, Mathieu. Déjà fait. Non, c'est celle que t'as mis là. C'est lourd, en fait. Faut manger ce que t'as dans ton assiette. C'est pas une assiette. Chapka. C'est bien maintenant. Et vous avancez, après avoir croqué la noix quelque peu amère, vous avancez dans les pénombres, la pénombre que peine à dissiper la loupiote que tient Hertz. Ça jette des lueurs indistinctes sur les murs qui peu à peu se retrouvent maçonnés de part et d'autre. Vous avancez sur un sol qui est boueux, glaiseux comme à l'entrée, là où vous avez trouvé les amas de noix issus de l'arbre des hauteurs, sur lequel était adossé le palan. Mais vous trouvez plus de coquilles, plus de cébilles désormais. Vous avez juste l'ombre... et de petits cailloux. Par curiosité, tu as, sous le sabot de Pâquerette, trouvé des billes qui auraient pu être, elles aussi, de ces coques de noix, mais qui n'en sont pas. Choubdia, Samael, vous entendez une voix qui susurre à votre oreille. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Et devant, tu aperçois la fumée, la brume qui... danse. Vous apercevez la brume qui danse et qui forme des animaux esquissés, fantomatiques. Une esquisse de goupil qui à nouveau se forme, mais sans chapka, un casque seulement, hein, de ces casques de métal rouillé qu'on trouve dans les plaines désolées. Maintenant, la ténèbre qui vous entoure s'intensifie pour épouser le tunnel dans lequel vous êtes engagé. Il y a un coude abrupt à gauche, vous enfonçant un peu plus dans la terre. Au plafond, des racines et des champignons poussent au milieu de la terre, des champignons qui dissipent quelque peu l'obscurité, parce qu'ils sont luminescents. Rouge, jaune, vert. Vous entendez toujours cette voix qui susurre à votre oreille. Cette voix a des accents qui vous sont connus. On reconnaît le timbre d'une voix. Qui cela évoque-t-il pour vous ? Tu parviens pas à t'en souvenir ? Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mais enfin... Ah, mais non, putain, je crois... Qu'est-ce que tu racontes ? Mais moi, je l'entends pas, du coup. Oui, mais tu l'entends pas, mais t'as le droit d'intervenir. Je sais pas ce qu'il raconte. J'avais une idée, mais c'est que par rapport à mon perso, non, ça ne peut pas marcher. Mais tu vois que tes amis sont habités d'une pensée étrange, ils ont l'air de marcher dans un état second. Devant toi, Hertz trébuche sur une des aspérités du sol. Je relève. Tu relèves. Et toi aussi, tu entends maintenant la voix qui susurre. Mais enfin, c'est Pierre. Mais qu'est-ce que vous avez consommé, ma parole ? Qu'est-ce que vous allez trouver au-delà de ce coude d'obscurité, là où les champignons sont plus importants ? Oui, Xavier ? J'ai vu. Alors, d'après toi, qu'est-ce que vous allez trouver derrière ce... Des bisounours. Des bisounours ? Je sais pas, mais... Alors, comme je crois ce qu'il y a à faire, je pensais qu'on... Que ce qu'on allait trouver, c'est le cliffhanger. On va le jouer un tantinet quand même. La demande de Xavier qui a mis les pouces. Pour une fois. Et donc j'attends néanmoins une réponse de ta part. Qu'est-ce qu'on va y trouver Qu'est-ce que vous allez trouver au détour juste à l'angle qui est dans la source de la voie? Il ne peut s'agir que d'un hors-là. Ce ne serait qu'un hors-là. On va trouver soit la source de la voie, soit, si c'est un hors-là, un piège tendu par cette voie. Mais ce hors-là, cette noix que vous avez croquée, c'est un pacte avec le diable, un pacte avec le hors-là. Et en nous touchant, tu l'as accepté. Non. Si. La preuve, tu entends ces voix. Non. Si. Je l'ai entendu qu'un bref instant, pourtant. Certes. Tu l'as entendu. Et tu as, en un flashback, cheminé avec tes compagnons, tous à la fois. Est-ce qu'il t'est déjà advenu, dans ton passé, dans tes souvenirs, dans cette masse mouvante, t'est-il déjà advenu d'être un et plusieurs à la fois ? Non. D'être dans un instant qui se répète. Non. Je peux le manger maintenant que je suis touché par la voix. Hein. Mais tu te surprends en fait à... Non, c'est pas ça. C'est que... Si ah tu... si. Bah non, je les mange pas. Tu la recraches. Non, je l'ai pas mangé. Tu l'as pas mangé. Mais tu te surprends la main sur cette noix. Que j'écrase. Que tu écrases profondément dans la glaise qui est à tes pieds, mais tu as l'instant qui s'est diffracté en toi, où tu as vu en un instant défiler les impressions confuses de Choubdia qui cherchait sans y parvenir à identifier le timbre de cette voix pour en conclure qu'il devait s'agir de quelque hors-là dissimulé dans l'obscurité au bout du tournant, tandis que le jeune Samael, lui, est convaincu qu'il connaît cette voix. Mais quelle est-elle ? À qui appartient cette voix ? Je sors ma pelle. Tu tiens ta pelle fermement en main pour te rassurer. Et je me colle à Pâquerette. Tu es contre Paquette, tu sens son odeur tout contre toi. Fin de l'épisode. J'ai compris qui c'était Alphonse. J'aurais pas dû lui faire confiance. C'est le... C'est un... Je vous écoute. Alors, qu'avez-vous pensé de... La fiction était super intéressante. En revanche, c'est complètement méchant, les noisettes. Tu me narres comme ça. Eh, vas-y, bouzan, on prend la drogue. Non, c'est pas juste. Sinon, la fiction m'a plu. J'ai lu quelques ouvrages écrits par un certain Thomas Munier qui parle de... De noix, non, jamais. Non. D'accord. Je crois que c'est la corne que j'ai lu, enfin les règles de base. Mm-hmm. Donc la noix, je sais ce que c'est quand même. Ah. C'est le départ du délire, donc Je sais que c'est, enfin, et de toute manière, c'est relativement équivoque dans la plupart des, enfin, c'est ni Thomas Meunier, enfin, rien que pour citer un auteur ultra célèbre et ultra littéraire, il y a Baudelaire, qui parle souvent de drogue. Enfin, il parle de plein de sujets qu'ils ont relativement tabous, mais dedans, il en parle. Et d'ailleurs, il la mange, la noix, pour écrire. Mais donc, ouais, la fiction m'a plu, c'était super intéressant, et puis je me suis surpris à jouer le Goupil, en fait. Et c'était cette fois, c'était jouer le Goupil pour aider les autres aussi, en partie. Et c'est en fait, le Goupil, Xavier, c'est pas une mécanique de ce jeu-là. C'est une mécanique rapportée d'un autre jeu de Milvo qui s'appelle Arbre, dans lequel justement j'ai joué un personnage, et puis c'est pas anodin, qui s'appelle Le Vacher. Donc il y a une mise en relation que tu pouvais pas comprendre, mais qui a fait sourire papa quand j'ai utilisé le terme, mais qui était tout à fait naturel. Donc on a le droit d'utiliser d'autres univers pour les intégrer, pour peu qu'on les teinte avec les paradigmes de base, les éléments qui sont là rappelés sur l'écran. Et notamment, Xavier, je t'ai vu, t'as pas compris ce que c'est, pourquoi je disais chien de Dieu. C'est que quand tu choisis un prénom, recherche-le un peu. Parce que Samael, ça veut dire le chien de Dieu. Ça a d'autres significations également. Mais c'est l'une des plus... Des exceptions les plus courantes. Comme ça, je le fais. Mais ça veut dire que... Mais un lion, c'est pas un chien. Un lion humanoïde. Non, mais c'est pas par rapport à sa BD, les fantastiques, ça vient de là. Non, les légendaires. Ok, mais là, ton légendaire, il est teinté Milvo. Après, le nom Samael, ça a plutôt une connotation extrêmement forte. Oui, chrétienne. Non, c'est pré-chrétien, c'est... Ah oui, c'est un prénom païen, pardon. C'est dans le Pentateuque, donc c'est dans la tradition hébraïque la plus ancienne. C'est dans les livres de base de la foi juive. Donc pour le débrief, c'était intéressant, j'ai envie de rejouer, je me suis senti investi. Peut-être moins agi que les autres fois, mais j'en étais pas moins investi, même si j'ai fait certaines pauses. Je pense avoir fait le tour, non ? On a joué des aspects purement en émergence par rapport à vos personnages. J'ai essayé de questionner vos personnages plus qu'à l'accoutumée. Et moi, par la mécanique du Goupil, et puis même avant, là, quand j'ai peut-être... Moi aussi, j'ai questionné. Ça a paru très très bizarre à Xavier, je l'ai senti dans son regard. Au début, je me demandais si tu devenais la garde forestière. Alors, vous avez le droit de le devenir. Oui. C'est autorisé dans le jeu. J'avais pas. Voilà. Enfin, c'est pas. Donc là, c'était tout à fait. C'est pour ça que j'ai rien dit. C'était tout à fait naturel. Et donc, justement, après la dernière session. Dans ce que j'ai communiqué, je concluais que je devais impérativement réintroduire le Goupil pour dynamiser et rendre la partie riche, plus riche. Donc Gabriel, en introduisant le Goupil, l'a fait avant que je ne le fasse, mais j'avais l'intention de le faire. Donc il a dit. Mais là, on s'est rejoint sur ce sujet. D'habitude, le Goupil, il vient plus te remettre beaucoup en question, c'est ce que j'ai fait déjà de base. Il a posé une question, il t'a posé une question, notamment, je me permets de t'interrompre, Gabriel, pour te demander en quoi tu pouvais faire confiance à Alphonse. Et quand il t'a demandé ça, en fait, tu lui as répondu à la fin de la, toute fin de la partie, quand je vous questionnais sur ce que vous alliez trouver au détour du tunnel. J'aurais dû faire qu'il y ait deux yeux de Goupil qui luisent dans ta tête. Ça aurait été bien plus équilibré. Hein ? Deux yeux ? Deux yeux jaunes. Laisse pas confier. Et donc, là, toi, tu as répondu en disant que Alphonse est probablement pas si gentil que ça et que c'est peut-être un hors-là. Donc, c'était une forme de réponse. Toi, tu t'es profondément, je pense, immergé dans la fiction. si tu as fait ce signe-là, je l'ai compris, j'ai arrêté la musique, ça a rompu l'immersion, et j'ai dit qu'on finissait juste d'amorcer ce qui sera un point de transition. Nous reprendrons dans ce tunnel probablement, mais pas que. Mais on va essayer de faire le lien avec le questionnement qui s'est fait jour. Et on va peut-être le questionner de façon plus rigolote, peut-être dans l'esprit, un esprit qui mêlera peut-être une part de la série de bande dessinée que tu lis actuellement, en y intégrant les paradigmes de Milvo. Est-ce que tu as, toi, Xavier, eu le sentiment que tu pouvais peser sur la fiction ? J'avais l'impression que j'étais... au début, je me disais, je vais changer, mais ensuite, je me suis dit, non, en fait, c'est pas moi qui écris l'histoire, quoi. Mais est-ce que, quand tu avais envie de changer quelque chose dans l'histoire, tu pouvais le faire ? Des fois oui, des fois non. Tu étais quand même maître du récit, mais il pouvait s'impliquer de façon plus ou moins importante. Ça pourrait ce que tu veux dire, Xavier, non ? Oui. Voilà. Je pense que... Ouais. On va s'arrêter là.